En rentrant chez lui le soir, Wenceslas eut l'explication de l'énigme que présentait sa délivrance. Il trouva chez le portier un gros paquet cacheté qui contenait le dossier de sa créance, avec une quittance régulière, libérée au bas du jugement et accompagnée de la lettre suivante. Mon cher Wenceslas, je suis venu te voir ce matin, à 10 heures, pour te présenter à une Altesse royale qui désirait te connaître. Là, j'ai su que les Anglais t'avaient emmené dans une de leurs petites îles dont la capitale s'appelle Clichy's Castle. Je suis aussitôt allé voir Léon de Lora, à qui j'ai dit en riant que tu ne pouvais pas quitter la campagne où tu étais, faute de 4 000 francs, et que tu allais compromettre ton avenir si tu ne te montrais pas à ton royal protecteur. Brideau, cet homme de génie qui a connu la misère et qui sait ton histoire, était là par bonheur. Mon fils, à eux deux, ils ont fait la somme, et je suis allé payer pour toi le bédouin qui a commis un crime de lèse-génie en te coffrant. Comme je devais être aux Tuileries à midi, je n'ai pas pu te voir humant l'air libre. Je te sais gentilhomme, j'ai répondu de toi à mes deux amis, mais va les voir demain. Léon et Brideau ne voudront pas de ton argent, ils te demanderont chacun un groupe, et ils auront raison. C'est ce que pense celui qui voudrait pouvoir se dire ton rival, et qui n'est que ton camarade, Steedman. Postscriptum. J'ai dit au prince que tu ne revenais de voyage que demain, et il a dit « Eh bien, demain !» Le comte Wenceslas se coucha dans les draps de pourpre que nous fait, sans un pli de rose, la faveur, cette céleste boiteuse qui, pour les gens de génie, marche plus lentement encore que la justice et la fortune, parce que Jupiter a voulu qu'elle n'eût pas de bandeau sur les yeux. Facilement trompée par les étalages des charlatans, attirée par leurs costumes et leurs trompettes, elle dépense à voir et à payer leur parade le temps pendant lequel elle devrait chercher les gens de mérite dans les coins où ils se cachent.